tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Une série documentaire de Rémi Douat et Martine Abbat, réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a comme un doute, la sensation désagréable qu'on veut nous faire croire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait vrai et nous faire accepter l'idée que l'on n'a pas le choix. Alors forcément, il y a l'envie d'aller voir de plus près pour en avoir le cœur net, explorer du côté de ceux qui inventent, qui cherchent, qui font des choix, qui mettent en œuvre, de ces rêveurs ancrés dans le réel qui se taillent un salariat sur mesure et qui gardent un œil sur le loup qui rôde au coin du bois. Alors pour commencer, les personnages. Des exécutants qui sont décisionnaires, des auto-entrepreneurs en collectif, un jardinier, un métallo qui était publicitaire, des comptables qui peuvent être commerciaux ou ouvriers du bois, et une femme de ménage bibliothécaire qui s'occupe d'un gîte et d'un bureau de poste, et d'autres qui sont répartis de zéro ailleurs et autrement. Ensuite, le décor. Une Syrie où tout le monde est PDG à tour de rôle, de l'autogestion, du temps libre, des revenus égaux, un village de la Creuse, une coopérative contre l'ubérisation, des droits sociaux et le rêve d'une entreprise idéale. Aujourd'hui, 4e épisode, on a le blues du travail. Le salariat, c'est 93% de la population active aujourd'hui. La bataille entre indépendants et salariés, elle sera gagnée par le salariat. Je suis passé d'exécutant à manager de manager, et en fait, on se rend compte que c'est des postes où en fait, le job, en grande partie, c'est faire avaler des couleuvres aux gens, quoi. Et finalement, on travaille essentiellement à enrichir des gens qui sont déjà excessivement riches. L'autogestion, c'est pas de la tarte. Quelquefois, on nous dit aussi, c'est impossible. En fait, ce que vous faites, vous, vous y arrivez, mais sinon, on peut pas le faire. L'autogestion, c'est vraiment le choix de la complexité et c'est la complexité de l'exercice démocratique. Tout s'œuvrer pour un même but commun qui n'est pas forcément l'appât du gain. Et puis je crois que si on veut vraiment fonctionner de manière collective, coopérative, qu'on fait le même travail, les raisons pour que les salaires soient très différents n'existent plus vraiment. Les salaires égaux, c'est finalement une manière de dire qu'on vaut tous à peu près la même chose. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Il réinvente le salariat. Martine Abbat, Rémi Douat, Assia Khalid. La fin du salariat est inéluctable. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui le dit. Thibault Langsad, le vice-président du MEDEF, observe de son côté une parcellisation de l'activité qui fait que de plus en plus d'acteurs participent à la vie de l'entreprise sans être dans une relation de salarié. Quant à l'économiste Pierre-Jean Benghozi, il renchérit en ces termes. Personne ne sera épargné. Et pourtant, à milieu des apôtres de l'ubérisation et de l'auto-entrepreneuriat, il existe des travailleurs salariés qui, en plus de défendre ce statut qui est encore la norme, tentent de le réinventer. Dans ce domaine, les habitants du village de Faux-la-Montagne, dans la Creuse, font preuve d'une saisissante créativité. La Syrie Ambiance Bois est la figure de proue de cette dynamique depuis près de 30 ans. Chez eux, c'est tout un symbole, le PDG est tiré au sort tous les 2 ans parmi les 25 salariés que compte la structure. Ici, nous sommes sur le parc agrumes d'Ambiance Bois. C'est le point de départ de l'entreprise. Avant toute transformation, le matériau arrive là. Et ce matériau, ce sont deux essences, essentiellement une qui est le mélèze et la seconde, c'est le Douglas. Alors moi, je suis Rémi Chola et je suis dans l'entreprise depuis 16 ans. Là, j'entame ma 17e année. Et là, nous sommes devant le poste de sillage, qui est la première étape de transformation du bois. Les bois, sous forme de billons de 2,50 m, arrivent, se font scier, et ensuite, le sillage puis le délignage va nous permettre de présenter toute une gamme de produits de largeurs différentes. Et pour ces produits qui vont être transformés, ben certains vont donner du parquet, d'autres du lambris, d'autres du bardage. Vous Derrière vous, là, on voit donc un atelier. Là, c'est notre atelier technique d'affûtage. On a quelqu'un qui est en train de s'occuper de l'affûtage. Philippe s'occupe aussi de tout l'entretien. Donc, il sait à la fois tout dépanner et tout construire aussi. Il sait même aussi construire les outils dont on a besoin. C'est à toi qu'on s'intéressait à travers la vie. Ah, d'accord. En fait, on vous a vu travailler. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous êtes un exemple ici dans cette entreprise de personne qui a diverses tâches. Oui. Moi, ça me permet d'effectivement de faire plusieurs choses, d'être par moment au bureau pour faire des dessins, par moment être à l'atelier pour réparer une machine, ou être carrément au sillage en train de manipuler des planches et des billons. Et donc ça, moi, je pense que l'être humain a besoin d'exercer aussi bien ses muscles que son cerveau, que son intelligence ou son instinct. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut exercer et qu'on peut exercer professionnellement aussi. Moi, je suis heureux au travail parce que je fais ce que j'ai envie de faire, ou du moins, je participe à décider ce qu'on va faire. Donc, je peux pas dire je fais tout ce que je veux parce que ça ne tiendrait pas compte de ce que les autres sont ou font ou veulent. Voilà. Mais en gros, oui, je suis heureux de ce que je fais. Je m'appelle Marc Bourgeois, je fais partie des gens qui ont créé Ambiance Bois, donc il y a un bon moment maintenant, puisque ça fait bientôt 30 ans. Bon, déjà, c'est un projet collectif, c'est l'intention de plusieurs personnes de mener leur vie ensemble sur de multiples niveaux et qu'ils ne soient pas simplement sur un niveau. C'est un peu l'idée de ne pas saucissonner sa vie et de considérer qu'on est un tout et que ce qu'on vit dans son travail ne soit pas en opposition par rapport aux valeurs qu'on porte, par rapport à ce qu'on pense. La manière dont on vit les uns avec les autres, la manière dont on habite, à la manière dont on consomme, à la manière dont on travaille, et que ces différentes sphères ne soient pas déconnectées. Et donc on a essayé de s'atteler à se dire, une des choses qu'on peut faire, c'est d'agir sur l'économique, là où il nous semblait que les injustices étaient particulièrement fortes, particulièrement flagrantes, c'est-à-dire dans le monde de la production, un monde dans lequel les tâches de décideurs et d'exécutants sont complètement dissociées, dans lesquelles les personnes qui travaillent ont très peu de prise sur le travail qu'elles font et sur la manière dont elles créent leur travail. Un endroit où il y a beaucoup d'injustice aussi parce que c'est aussi un monde dans lequel l'échelle des salaires est importante. Nous semble qu'il n'y a pas de raison d'avoir d'échelle des salaires et qu'un individu vaut autant qu'un autre. Et que si en plus de ça, si on doit payer des gens plus, c'est sans doute plutôt ceux qui ont un travail pénible, une espérance de vie raccourcie, une prise de risque dans leur travail importante, qui devrait être, peut-être si des gens doivent être mieux payés, ça devrait être ceux-là qui devraient l'être mieux. En tout cas, nous, on n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix d'être payés les uns et les autres de manière identique, sur les mêmes bases. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, donc en s'attaquant au monde de la production, c'est d'essayer de faire une usine autogérée. Il s'est trouvé que ça a été dans le bois, mais je dirais que c'est pas très important. Et donc avec l'idée de faire une entreprise, une usine, dans laquelle on soit à la fois décideur et exécutant, dans laquelle on soit maître de notre travail et de la manière dont on veut le faire. Donc une entreprise dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie décisionnelle. Et l'autre élément fort, c'est qu'elle soit aussi une entreprise dans laquelle on se partage les tâches et donc dans laquelle on soit successivement aussi, parfois sur des tâches d'exécution, parfois sur des tâches de décision, parfois sur des travaux de responsabilité, parfois dans le bureau, parfois derrière une machine. Le fait d'être payés tous pareil va de pair avec le fait qu'on fait aussi tous les multiplicités de tâches. Alors combien gagne un salarié chez Ambiance Bois ? Combien gagne un salarié chez Ambiance Bois ? Ambiance Bois, on n'est pas très éloigné du SMIC, à peine au-dessus, c'est-à-dire un peu plus de 1600 euros bruts aujourd'hui. Si on était à plein temps, 1400 à 1400 net, la plupart d'entre nous gagnons beaucoup moins que ça. Ça va de pair avec un choix de vie avec aussi des choix de consommation. C'est aussi une contrainte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, on souhaiterait que nos rémunérations soient un peu meilleures. Alors, on y arrive parfois. Toutes les bonnes années où on peut, verse l'équivalent, verse sous forme d'une prime si les résultats ont été bons, quelque chose qui ressemble à peu près à un 13e mois de salaire. Voilà, mais ça, c'est pas possible tous les ans. Alors là, je vois un tableau avec des tâches et des initiales. Ouais, qu'est-ce que ça raconte, des noms, ça des prénoms. Donc ça raconte une dimension complémentaire de l'entreprise, c'est le choix du temps de travail. On est une entreprise dans laquelle on travaille à temps partiel, mais à temps partiel choisi. Autant on a une place à prendre dans la société par le biais de notre travail, mais on a aussi une place à prendre dans la société, dans d'autres espaces que le monde du travail. Et donc pour ça, il faut avoir du temps. Pour la vie dans la société, pour la vie associative, pour la vie politique, pour la vie auprès de sa famille, c'est enfin pour ces multiples sphères qui ont toute leur importance. Just working, just working. Lord, just working. Oh, all in the morning. Oh, until the daytime. Oh, all in the morning. Working. Just working. Just working. Just working. Just working. Alors, je m'appelle Claire. Je travaille là depuis septembre 99, c'est-à-dire un certain temps maintenant. Et je viens au départ de Paris. Voilà. Et j'ai travaillé à Paris dans des structures tout à fait classiques. Il se trouve que on a eu l'opportunité de venir ici. On a un peu réfléchi avant de venir, mais finalement, on ne regrette pas du tout d'avoir fait ce grand saut, tant au niveau du travail que de la vie courante. De ce qu'on y fait, des gens qu'on y rencontre. On n'aurait pas eu l'opportunité de rencontrer des gens d'Ambiance Bois, on ne serait jamais venu ici. On les a rencontrés et on est venu à Faux-la-Montagne parce qu'on est venu travailler en Ambiance Bois. On ne serait peut-être pas venu comme ça tout seul, sans connaissance, sans lien. Là, c'est tout à fait différent que de se dire on va quitter quelque chose pour l'inconnu. C'est un peu plus délicat. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris ? Alors à Paris, j'ai travaillé dans une maison d'édition, ensuite j'ai travaillé pour un chasseur de tête, ensuite j'ai travaillé pour un parfumeur. J'y trouvais pas mon compte du tout, il y avait une hiérarchie assez pesante. Quand on n'avait pas le diplôme qu'il fallait, on avait juste le droit de se taire. Du coup, bah forcément, comme parfois j'avais des idées et que je les tonitruais, on me proposait assez vite de trouver autre chose parce que ça ne me convenait pas. Donc voilà, j'en veux pas aux gens avec qui j'ai travaillé, j'en voulais au système qui voulait que c'était un peu dur. Ici, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais le pendant, c'est que s'il fallait que je retrouve un autre travail, j'aurais du mal. Pourquoi ? Bah parce que quand on a l'habitude de donner son avis, de pouvoir gérer son emploi du temps comme on veut, de pouvoir se faire confiance les uns les autres quand il n'y a pas de lien de pouvoir, de salaire, c'est plus compliqué, quoi. Qu'est-ce qui vous déplaisait ? C'était l'organisation, la manière dont on travaille ? C'était plutôt les relations de pouvoir entre les gens. Quel que soit... alors, l'édition, c'était un peu différent, parce que c'était une maison d'édition assez humaine. Par contre, les autres entreprises, vraiment, le but de l'entreprise, c'était de gagner de l'argent à tout crin. Et quelque part, c'était pas dans ma nature de prendre le client pour juste un porte-monnaie. Ici, on donne des conseils aux clients. Si on considère que le bois qu'il veut acheter ne va pas pour ce qu'il veut en faire, on lui déconseille. Là-bas, le client, il rentrait pas dans la boutique, il fallait qu'il ressorte avec quelque chose. Voilà, c'est le milieu qui veut que ce soit dur. Et donc, les gens sont durs, du coup. Et on leur demande des objectifs et des réunions. Et est-ce que vous avez atteint vos objectifs et l'an prochain? Et c'est juste un peu insupportable. Mais à l'époque, voilà, on sort de... des études, on habite à Paris, on travaille là où on habite et c'est tout. Et vous êtes passé du luxe à Ambiance Bois. C'est ça. Mais le luxe de vivre à Ambiance Bois est bien plus grand que le luxe que je pouvais trouver dans ces entreprises-là. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé alors qui vous... Où ça, ici ? Oui. Moins de salaire. Mais bon, C'est pas forcément le but de la vie. Si j'en ai un peu de l'argent, je suis contente. Si j'en ai un peu moins, bah, je fais avec moins. Donc ici, on a le droit de s'exprimer, on peut trouver des idées, on peut faire diverses activités tout au long de la semaine. Donc c'est pas toujours la même chose et on sait pourquoi on le fait. C'est nous qui nous donnons l'ordre de le faire. Alors ça demande plus de prise en charge personnelle, mais c'est plus motivant aussi. Finalement, c'est plus de boulot de pas avoir de chef. Beaucoup plus. Ça demande une organisation terrible, mais c'est beaucoup plus intéressant, valorisant et c'est très souple, tant au niveau des horaires que du travail. Et quand on est malade, on n'est pas obligé de prévenir 15 jours à l'avance qu'on va être malade. Voilà. Dans l'entreprise classique où j'ai pu être, quand j'avais la grippe, c'était toute une affaire. Bon, ben ici, on a la grippe, on ne vient pas, on revient travailler le dimanche et ça se passe bien. C'est beaucoup plus simple. Mais parfois, ça, c'est un peu long. Les décisions peuvent être un peu longues parce que tout le monde doit être d'accord. Du coup, tant que ce n'est pas statué, on réfléchit, on reprend, on rediscute. Donc forcément, on n'est pas toujours réactif, quoi. Et puis, on est nombreux. Donc, être d'accord à 25, c'est autre chose que d'être d'accord à 5 ou à 10. C'est presque la limite, je dirais, de l'autogestion. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Alors, est-ce que ce système, il est reproductible ? Ou est-ce qu'il bénéficie d'un microclimat à Faux-la-Montagne qui permet tout ça ? Pour tous les gens qui diraient que c'est pas possible, c'est toujours possible de faire autrement. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de ténacité, il faut beaucoup de sérieux, mais c'est reproductible, quelle que soit l'entreprise. Il faut juste une volonté à la base, je pense, et des valeurs et des convictions. C'est quoi, les valeurs ? Ben, je dirais que c'est tout œuvrer pour un même but commun qui n'est pas forcément l'appât du gain. Je pense que c'est ça, les valeurs communes, c'est de travailler dans des bonnes conditions et de pas travailler juste pour gagner sa vie. On travaille ici, mais on a des activités dans le village. On est au sein d'une espèce de, entre guillemets, une famille qui fait qu'une fois qu'on a fermé la porte de l'entreprise, on fait autre chose, mais toujours avec les mêmes gens. Donc c'est un ensemble, c'est un tout. Vers le bâtiment de l'école et de la salle des fêtes. Dans les années 70, ici, il y avait une classe avec 12 enfants. Et puis, dans les années 90, on est passé à 3 classes et 60 enfants. Aujourd'hui, on est à 3 classes, 51 enfants, je crois. Catherine Moulin, maire de Faux-la-Montagne. Voilà, donc ça, c'est les gîtes. Il y a un gîte au-dessus de... Un gîte de grande capacité, 8-10 personnes en haut, au-dessus de l'agence postale. Et puis là, des petits gîtes, 4-6 personnes. Mais donc, c'est municipalisé, tout ça ? Alors ça appartient à la commune, oui, oui. Donc ça rapporte des fonds à la commune ? Ah oui, oui, oui, bien sûr. Je pense que notre chance, c'est d'être un peu loin de tout. On n'était pas nombreux et on s'est dit, si on a envie de mettre en place des choses, il faut que ça soit nous qui les mettions en place parce que de toute façon, on ne va pas attendre que, je sais pas, l'État ou n'importe quelle autre structure décide de venir à Faux-la-Montagne installer une crèche ou ce type de service, quoi. Ah, ici, on continue dans le village. Oui, ben là, on arrive à l'agence postale communale de Faux, qui a pris la suite de la poste, puisque on a tenu pendant, je pense, 15 ans, on a tenu la poste pour qu'elle reste. Malheureusement, on s'est retrouvés à avoir... avant, elle était ouverte à plein temps, après, ça a été plus qu'à mi-temps, puis après, ils nous ont dit, là, vu l'activité, il ne va plus y avoir qu'une demi-journée d'ouverture par semaine... Donc on s'est dit non, c'est pas possible. Donc le retrait des services publics Ah bah il est flagrant, c'est sûr. On va rentrer. On va rentrer. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, on est dans l'agence postale communale. Nous, on l'a pensé un lieu sur d'autres activités. Donc, on y a mis la bibliothèque et puis la réservation des gîtes et tout ce qui est petit accueil touristique l'été. Parce que la commune a 7 gîtes. Et puis, on a un camping aussi derrière. Donc, c'est dans la même entité. Concrètement, comment ça se passe de reprendre comme ça une agence postale? Le personnel qui travaille là? Alors, la poste a fermé. Nous, on a embauché 2 personnes. Et donc, on les a formées pour qu'elles puissent faire l'accueil à l'agence postale communale. Bon, bah, c'était l'idée aussi de diversifier les compétences. C'est intéressant de ne pas faire que du ménage dans des gîtes ou que de l'accueil. Donc voilà, elles ont été partantes. Hein, c'est le cas de madame, par exemple. Florence, oui. Et donc elles se sont formées. Et puis aujourd'hui, bah, je pense qu'on a un espace où les gens aiment bien venir, sont contents parce qu'ils arrivent là, ils peuvent discuter, ils peuvent choisir un livre. Voilà, et puis aussi, c'est un vrai service puisqu'on est ouvert du lundi au samedi pour l'envoi de courrier, l'achat de timbres. Et on est super fiers parce qu'on est la première agence postale communale de la Creuse avec un taux de trafic important, super important. C'est la dernière qui a été ouverte en Creuse et celle qui marche le plus, le mieux. Et donc, c'est vous qui vous en occupez, en fait, de ce bureau de poste? On est deux à se partager les 3 tâches. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant d'être en charge du bureau de poste? À Faux-la-Montagne. Oui, j'ai commencé par les ménages dans les gîtes, après la réservation des gîtes, les départs, toute la gestion des gîtes, en fait. Après, il y a eu la bibliothèque et la poste en dernier. Et ce qu'on essaie, c'est que... elles fassent le plus possible, elles aillent jusqu'au bout des tâches en fait. Maintenant, elles font les statistiques, elles envoient à l'INSEE les fréquentations, enfin voilà, histoire de bien comprendre la totalité des tâches et puis de pouvoir voilà, être opérationnel. Au lieu de faire une partie et laisser une autre personne faire le reste, on essaye de tout faire. C'est formateur et c'est plus effectivement valorisant pour les gens de travailler de cette façon-là. C'est important d'avoir ce climat de confiance et puis d'avancer, quoi. Après, on fait des choses, on se dit qu'on n'aurait pas imaginé qu'on pouvait les faire. Donc, il y a des gens qui sont venus pour le projet politique ou pour le projet social, je ne sais pas quel est. C'est à la fois les deux qu'il faut employer. Ils sont venus sur ces dimensions-là. Mais il y a aussi des gens, ils sont venus parce qu'ils habitaient dans le coin et qu'ils cherchaient du boulot. Et donc même des personnes qui sont pas arrivées avec ce présupposé-là, des gens pour lesquels l'autogestion n'est pas un concept parlant, ils sont là quand même. Et pour moi, ça, c'est un élément... très très important en fait, parce que ça veut dire que c'est un mode d'organisation qui vaut en tant que tel. Il marche pas uniquement avec des convaincus, pas uniquement avec des militants, mais comme d'autres modes d'organisation, il est fonctionnel en tant que tel. Et ça c'est intéressant parce que quand on veut le reproduire ailleurs, ben, ça veut dire que c'est accessible dans d'autres contextes et c'est accessible à beaucoup de monde et pas simplement à une petite poignée de d'élus, de militants, de privilégiés, d'initiés, je ne sais pas. Est-ce que autogestion et productivité peuvent cohabiter? Oui. On est une entreprise qui a un gros niveau de motivation. On travaille pour nous. Donc très probablement, ça fait partie des facteurs qui contribuent à améliorer de la rentabilité, de la productivité. Après, on a des modes d'organisation qui peuvent être parfois plus long pour de la prise de décision qui peut être parfois un peu flou. Des fois, on a du mal à aboutir à une décision. Ça flotte un moment. Et peut-être ça, c'est des facteurs de non-rentabilité, non-productivité. Probablement, on a ça aussi qui existe. Dans les entreprises du bois actuelles, il y a une course à la taille qui fait qu'aujourd'hui, les unités qui se créent sont des très très grosses scieries. Alors qui grosso modo font à peu près en un jour ce que nous on fait en un an, hein, en termes de bois transformé. Pour ça, ils ont besoin d'un approvisionnement forestier à l'échelle de plusieurs régions françaises, et elles font vivre entre 2 et 4 fois plus de personnes que nous, 50 à 100 salariés. Tout dépend comment on regarde l'efficience économique. Si on regarde le chiffre d'affaires ramené au nombre de salariés, nous, on est très mauvais. Pas beaucoup de chiffre d'affaires par salarié. Si on ramène à la valorisation d'un territoire, à la possibilité pour des gens vivre sur un territoire avec une petite quantité de terrain sans aller exploiter tous les territoires voisins et aller les dévaster, nous, on devient très performants. Mais c'est évidemment pas ces critères-là qu'on prend d'habitude quand on s'interroge sur la rentabilité ou la productivité. La place d'une entreprise comme la nôtre dans un environnement, elle est cruciale. C'est-à-dire, on n'est pas ici à Faux-la-Montagne dans un village de 400 habitants où nous, on représente beaucoup, hein, dans un village de 400 habitants, une entreprise qui emploie 26 personnes, c'est beaucoup. On a un impact économique réel, mais on a un impact qui est pas simplement économique. On a un impact qui est que le temps qui est libéré par le temps partiel pour chacune des personnes qui travaillent ici, eh ben il est réinvesti dans de multiples engagements locaux. Il y a une devise quand même, la devise de la République française, elle est pas mal, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est trois valeurs qui méritent qu'on y attache du poids, qu'on y attache de l'importance, qu'on les fasse vivre, qui sont fondamentales, et que si on arrivait tous, dans toutes les dimensions de nos vies, à les mettre en valeur, ben, je pense que la vie, elle serait agréable pour beaucoup de monde. Or, ces trois valeurs qu'on a l'habitude de laisser à la porte de l'entreprise quand on rentre dans l'entreprise. L'entreprise, c'est pas souvent un lieu de liberté. C'est presque jamais un lieu d'égalité. C'est pas très souvent un lieu de fraternité. Voilà, moi je pense que ce qu'on essaie de vivre ici, c'est que ces trois valeurs-là, elles sont fondamentales et qu'on les met... Enfin, pourquoi on devrait... Parce qu'on est dans le monde du travail, et alors que c'est la devise qui est censée nous rassembler, pourquoi on devrait s'en débarrasser et les ignorer au moment où on est dans l'entreprise? Pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse, ça. Quelques kilomètres d'Ambiance Bois, au centre du village de Faux-la-Montagne, le visiteur découvre une autre entreprise innovante. Elle s'appelle La Navette et regroupe 8 rédacteurs qui, sans cette structure, seraient contraints d'être travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs. J'imagine pas travailler toute seule. Le travail en équipe est quelque chose qui me convient et qui me nourrit et qui permet des échanges qu'on ne peut pas avoir en indépendant. Je pense que ça enlève aussi de la pression parce qu'on sait qu'on peut compter sur nos collègues. Par exemple, hier, on avait une collègue qui était malade. Et ben, du coup, on a pris le relais. Du coup, ça nous offre une très, très grande liberté. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'y trouve dans la manière de travailler. Le fait d'être en collectif nous offre une très grande liberté. Oui, du reste, c'est souvent, les gens imaginent, quand ils pensent collectif, ils pensent que c'est le contraire de la liberté. C'est-à-dire qu'être libre, c'est être seul. Mais en fait, Michel Lulek. Pour moi, c'est évident que c'est l'inverse, quoi. L'année dernière, c'est un exemple qui me concerne. J'ai construit ma maison l'année dernière. Bah, donc, avec les autres, on s'est organisé en disant, bah, moi, tiens, entre avril, mai, juin, je vais pas venir beaucoup travailler. Si j'étais tout seul et qu'il fallait que je fasse le travail pendant cette période-là, j'aurais pas pu m'arrêter pendant 2 mois pour construire ma maison. Et de fait, dans l'équipe, on est tous salariés à temps partiel par choix. Et du coup, cette organisation nous permet de mener d'autres activités comme bon nous semble. C'est sûr que avec Internet, le haut débit d'abord, la fibre aujourd'hui arrivant jusqu'à Faux-la-Montagne, on peut faire ce travail-là ici. Bon, moi, j'ai jamais travaillé tout seul, en fait. Mais si je regarde tous les métiers, entre guillemets, que j'ai fait dans ma vie, en fait, j'ai jamais choisi mon métier par amour de ce métier-là, par amour du bois, quand je travaillais à Ambiance Bois, ou par amour de l'écriture, entre guillemets, ici à la navette. Mais d'abord et avant tout, pour le cadre dans lequel j'allais travailler, comment j'allais travailler, avec qui j'allais travailler, comment on allait décider, que je ne sois pas dans ce qu'on appelle le fameux lien de subordination avec un espèce de pouvoir au-dessus de ma tête qui va dire tu feras ça, tu feras ci, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, on a des contraintes évidemment, et puis donc on fait aussi avec ces contraintes-là. Mais voilà, c'était cette dimension, faire avec des gens autour d'un projet, ne pas être tout seul, savoir qu'on peut s'épauler, que s'il y a des hauts et des bas, eh ben pendant que moi je serai un peu en bas, il y aura de toute façon d'autres qui assureront, de ne pas tout porter sur mes seules épaules, etc. Enfin bon, pour moi c'est ça, la coopération. C'est important pour vous d'être salarié? En fait, je me suis jamais posé la question sous cette forme-là. Et moi, je vous la pose parce que vous avez des métiers qui sont typiquement concernés par le fait de ne pas l'être, salarié. Si on regarde quelle est la définition exacte du mot salariat aujourd'hui dans notre code du travail, c'est abominable. Moi, je suis pour l'abolition du salariat, mais je suis pour l'abolition du salariat dans le sens que le salariat, c'est ce fameux lien de subordination où contre un salaire, quelqu'un va vous demander de faire ça, et puis demain va vous demander de faire autre chose, et puis après-demain va vous dire maintenant, c'est etc. Donc en soi, le salariat, c'est comme disait Godin, la perpétuation de l'esclavage, puis du servage, et maintenant c'est le salariat, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la notion de salariat. Donc quand dans les années 70 ou bien avant 19e siècle, les coopérateurs disaient on va abolir le salariat, je dirais que moi j'abolirais bien le salariat dans ce sens-là. Par contre, évidemment, je l'abolirais pas, enfin, dans le sens de l'ubérisation actuelle, c'est-à-dire de dire, bon, on va donner chacun son autonomie pour qu'il soit libre, entre guillemets, mais en fait, où cette liberté consiste à être finalement plus dépendant, plus précarisé, moins maître de ses choix, contrairement à ce que les grandes affiches dans le métro nous disent quand on voit là les chauffeurs qui disent qu'ils sont libres, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils s'organisent, qu'ils font leurs rêves, etc. À Faux-la-Montagne, mais c'est vrai un petit peu de tout le coin là sur le plateau de Mille Vaches, les gens ne viennent pas ou ne restent pas parce qu'ils ont un travail. Ils viennent parce qu'ils connaissent quelqu'un, parce qu'ils ont entendu parler d'une initiative qui les intéresse, parce qu'il y a un terreau social qui est riche, parce qu'il y a des relations, des réseaux qui fonctionnent très bien. Et beaucoup de gens qui viennent s'installer ici ou qui y demeurent, ils sont complètement insérés dans ces circuits-là. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent sans savoir ce qu'ils vont faire d'un strict point de vue professionnel. Et ils passent 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un an, ils se font embaucher à mi-temps dans une asso ou dans je ne sais quelle structure. Et puis au bout de 2 ans, ils ont une idée et ils se disent tiens, on pourrait monter ça. Et puis au bout de 3 ans, ils créent une autre structure avec une deuxième personne pour développer un projet, etc. Enfin, Armel, toi, t'es pas arrivé pour chercher du travail, t'es arrivé parce que t'as entendu parler d'un projet d'éco-quartier. Et si on regarde les itinéraires de chacun d'entre nous, et au-delà même de la navette de beaucoup de gens ici sur le territoire, c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires militantes, c'est des histoires sociales, c'est des histoires culturelles, et puis un peu de hasard aussi de temps en temps. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans, et en fait, bon, pour le coup, je n'ai jamais cherché de travail ici, et à chaque fois, le travail est venu à moi. Et de manière très diverse. Et en ville, je travaillais dans l'enseignement spécialisé pour les jeunes en difficulté. Et je me suis retrouvée ici à faire du conseil en maîtrise de l'énergie pendant 5 ans. Je me suis formée là-dessus. J'ai adoré ça. Et puis, j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis au bout de 5 ans, il y a eu cette opportunité à la navette où, pareil, on m'a proposé, on m'a dit, bah tiens, s'il y a une place, si ça te dit. Combien vous pouvez vous rémunérer donc ici à la SCOP, la navette? Alors on est tous à temps partiel, mais on a tous le même salaire horaire. Donc ça fait sur l'équivalent d'un temps plein, puisque ce qui parle le plus aux gens, l'équivalent de 2 200 € par mois net. Donc moi je considère que je vis bien, je suis qu'à mi-temps. Il y a plein de gens pour qui ce genre de salaire semble totalement trop bas pour réussir à vivre dignement, c'est pas le cas. Et pourquoi vous avez tous les mêmes salaires en dépit de vos différences d'âge et vos différences d'expérience? Alors moi, c'est un principe qui était posé comme ça lorsque je suis arrivée. J'avoue que ça me chagrine pas. Parce que quelque part, on fait le même travail, même si on n'a pas le même âge, même si on n'a pas la même expérience. Et puis je crois que si on veut vraiment fonctionner de manière collective, coopérative, qu'on fait le même travail, les raisons pour que les salaires soient très différents n'existent plus vraiment. Les salaires égaux, c'est finalement une manière de dire qu'on vaut tous à peu près la même chose. Et donc, je pense que ça contribue à désamorcer des conflits qui pourraient y avoir ou des problèmes qui pourraient y avoir. C'est-à-dire, bah, finalement, on a tous le même salaire. Et puis finalement, tu as raison, Armel, on se pose plus cette question-là. C'est comme ça. De la même manière qu'on a un gérant et que notre gérant, on sait qu'il n'a pas plus de pouvoir que chacun d'entre nous. Du reste, on le tire au chapeau tous les 2 ans, on change tous les 2 ans de gérant. On tourne pour que ce ne soit pas toujours le même, donc on change tous les ans. Mais voilà, c'est des espèces d'acquis de notre fonctionnement qu'on ne remet pas en cause parce que finalement, ils illustrent bien, ils sont en concordance avec le fonctionnement qu'on a. Lancer son activité tout en conservant les droits d'un salarié. C'est ce que propose Copanam, l'une des 100 coopératives d'activité et d'emploi qui regroupe au total 10 000 indépendants dans toute la France. Pour ces militants de l'économie sociale et solidaire, c'est la réponse à l'ubérisation. Le fonctionnement est simple. Le chiffre d'affaires est perçu par la coopérative. Elle prélève directement les cotisations et salarie ses membres en fonction de leur activité. Contrairement à l'auto-entrepreneur, le salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi est affilié au régime général de la sécurité sociale et bénéficie de droits au chômage au même titre que n'importe quel employé en CDI. Si je me présente très rapidement, moi je suis Véronique, je suis là à Copanam depuis 12 ans. J'y suis chargée d'accompagnement, c'est mon rôle principal, donc j'accueille des coopérateurs et je les aide du mieux que je peux à développer leur activité. Je vous propose dans un premier temps un petit tour de table. Bonjour à tous. Je m'appelle Florian Tintignac. Je compte en fait proposer un service de réparation informatique pour les entreprises et les particuliers. Bonjour, je m'appelle Carlos. Je suis jardinier de profession. Moi, je souhaite développer mon activité en tant que jardinier et je me pose la question, créer une entreprise, auto-entrepreneur, coopérative. Alors bonjour, moi je suis Véronique. Donc je voudrais faire du service à la personne. Je voudrais m'occuper de personnes d'un certain âge qui sont encore autonomes et leur permettre de garder leur autonomie le plus longtemps possible. Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai comme projet de faire de la conciergerie. C'est pour les expatriés, les gens qui vont venir de l'étranger s'installer en France. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Philippe Dame, je suis métallo, donc métallier. Anciennement, on appelait ça serrurier. Ça consiste en fait, en tout cas en ce qui me concerne, à travailler en grande partie avec des architectes d'intérieur et des architectes sur des rénovations d'appartements, de maisons ou des nouvelles maisons pour fabriquer des ouvrages, on va dire, à la fois fonctionnels et esthétiques. Alors ça va être une porte, une verrière, un escalier, ça peut aussi être du mobilier, des tables, bancs, enfin voilà, tout ce qui va être à base d'acier en fait. C'est ça mon métier. Vous avez toujours fait ça ? Ben non, j'ai pas toujours fait ça. En fait, j'ai travaillé une dizaine d'années après mes études, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la publicité, télé et internet après. J'ai travaillé dans des très très grosses structures, TF1, Microsoft. Et puis un jour j'ai dit c'est bon, ça suffit. Parce que je considérais que ce que je faisais n'avait plus de sens. J'ai appris les bases sur tout ce qui est métallerie, on va dire. Je me suis fait quelques éléments de mobilier pour chez moi. Et puis à force, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je suis bien, je suis dans mon atelier, j'ai une relation avec des clients potentiellement. Je fabrique quelque chose avec mes mains, je m'occupe, je fais des choses que je trouve intéressantes et belles. Donc voilà, go. Et du coup, partant de là, j'ai repris une formation pour apprendre le métier. Et donc voilà, pendant un an, on reprend les bases et on devient un ouvrier en fait pour fabriquer à partir de plans qu'on nous donne. Ça, c'est le principe de cette formation. Et comme moi, je voulais me mettre à mon compte, j'avais pas pour objectif de retourner comme salarié dans une entreprise quelle qu'elle soit. Je voulais choisir en fait. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une métallerie de la région parisienne pour apprendre le reste du métier, parce qu'en fait, moi, j'avais appris en formation à être un ouvrier exécutant, et j'ai appris tout le reste pour devenir, entre guillemets, mon patron, quoi, en fait, capable d'aller voir un architecte et de discuter avec lui du projet et de concevoir l'ouvrage et de le fabriquer et de le poser. Alors aujourd'hui, quelle est votre situation ? Aujourd'hui, je suis donc entrepreneur salarié. Donc, en réalité, je suis comme un patron d'une SARL, d'une URL, je suis responsable de mon activité. Je cherche mes clients, j'élabore mes devis, je vends mes prestations et après je les réalise et ensuite je les facture et je suis aux commandes, on va dire, de cette activité. Mais, et c'est là que c'est vraiment fondamental pour moi, je suis salarié d'une coopérative qui, en fait, me permet de m'appuyer pour développer cette activité. À l'origine, il y a 150 ans, il y a eu un mouvement ouvrier, la révolution industrielle, des gens qui se sont rapprochés, qui se sont dit si on était plus fort à plusieurs, quoi. Il y a eu des pots communs pour faire face aux grèves, etc. Enfin, ça a commencé là, je dirais, à l'origine. Et puis, ça s'est précisé. Il y a eu des syndicats, des mutuelles, des coopératives. Toujours dans cette idée de, on va se renforcer les uns les autres. On va mutualiser des compétences, des formations, des sous, pour faire en sorte qu'on soit plus armés en cas de crise. Et l'idée de la coopérative, elle est toujours là. L'idée de Copanam et de coopérative, c'est vraiment de se dire, c'est bien de créer son propre emploi, mais peut-être pas de n'importe quelle manière. C'est bien d'avoir une protection sociale, de bénéficier de l'intelligence collective. Hein. Et donc l'idée de Copanam et de coopérative, c'est ça. SCOP, ça veut dire Société Coopérative Ouvrière de Production. Ça, c'est le mot d'origine. Nous, on tient vraiment au mouvement ouvrier. C'est un point qui est important pour nous, de dire, bah oui, on est la cheville ouvrière quoi, d'un ensemble plus global. Donc voilà, c'est des valeurs qui nous sont chères, de démocratie. Nous avons des assemblées générales où chacun a l'obligation, j'ai envie de dire, de donner son ressenti. Nous sommes propriétaires, d'une certaine manière, de notre entreprise, collectivement. Pas tous, hein, mais nous avons tous vocation à le devenir. Il y a à la fois des gens qui fabriquent des chaussures, des bijoux, des sacs, des selles de chevaux, mais il y a aussi des commerciaux, des biographes, des traducteurs dans plein de langues différentes, des artistes, des écrivains publics. Donc 800 personnes, plus de 250 sociétaires. Donc les sociétaires, c'est quoi ? C'est des personnes qui effectivement ont participé au capital de la structure. Et donc nous nous retrouvons 2-3 fois par an en assemblée générale pour réfléchir à l'évolution de notre entreprise collectivement. Ce qui est important, c'est bien les gens qui sont à l'intérieur de la structure, c'est pas l'entreprise en elle-même. Je vous parle de tout cela parce que c'est pas anodin de rentrer dans une coopérative. Il y a clairement une vraie dimension militante. On n'est pas juste dans une logique, j'ai du chiffre d'affaires, je vais le transformer en salaire, et ça va en rester là. Non, dans une coopérative, bah, oui, je suis réellement dans une logique de, on se partage collectivement une entreprise, et chacun y apporte sa pierre, quoi, et l'améliore. On est en train de se construire une entreprise idéale, quoi. Alors, concrètement, la coopérative gère tout l'administratif de mon activité. Tout ce qui va être comptabilité, fiscalité, etc. Moi, je ne m'en occupe pas. Et par ailleurs, et ça c'est un point qui est aussi fondamental, je suis donc salarié en CDI, donc je suis au régime général de la sécurité sociale. Par exemple, demain je me blesse, j'ai un droit congé maladie comme n'importe quel salarié. Et demain, j'arrête mon activité, je ne repars pas comme un gérant d'entreprise qui n'a rien, quoi. Je suis un salarié normal, mais je suis aussi mon propre patron. Juridiquement, ces personnes sont salariées de la coopérative. Leur salaire va être proportionnel au chiffre d'affaires qu'ils vont générer. Quand ils débutent, très souvent, ces coopérateurs ont des tout petits chiffres d'affaires, donc ils vont avoir un tout petit salaire qui sera proportionnel à ce petit chiffre d'affaires. Et puis, des petites cotisations sociales aussi, hein, là encore, qui seront proportionnelles à ce chiffre et à ce salaire. Et puis, plus ils vont monter en puissance, plus leur salaire va augmenter, et plus les cotisations sociales vont augmenter aussi, ainsi que la protection qui va avec. Je suis salarié, alors ça peut paraître effectivement un petit peu abstrait. Je fixe mes devis, je fixe mes prix, mes clients valident mes prix, je fournis une prestation, je rédige une facture, la facture elle passe par le service comptable de la coopérative qui valide que j'ai pas fait d'erreur, voilà. La facture, je l'envoie à mon client, il va payer à Coopanam, l'argent va rentrer dans le compte bancaire de Coopanam, mais comptablement ça rentre sur un silo qui concerne mon activité uniquement. Et donc, à chaque fois que je vais rentrer du nouveau chiffre d'affaires, ça va venir s'empiler dans ce silo-là. Cet argent qui rentre va me permettre d'acheter des fournitures pour continuer à travailler, d'acheter éventuellement des prestations à des fournisseurs extérieurs, etc. Et donc, à un moment, il reste une somme, et cette somme va me permettre de dire, bah, voilà combien j'aimerais me salarier, je sais combien coûte un salaire chargé, dans ce qu'on appelle un salaire chargé, ça va être le salaire net plus les cotisations salariales et les cotisations patronales. Donc typiquement, je sais pas, un salaire net de 2000 euros, ça va être à peu près 3500, 3600 euros pour l'activité. Et donc de ça, on va retirer les charges patronales, on va retirer les charges salariales, il va me rester 2000 euros net dans ma poche. Donc en fait, ce qu'on va faire avec la personne qui me suit chez Coopanam, c'est qu'on va regarder à intervalles réguliers qu'est-ce qui reste dans mon silo une fois que j'ai payé toutes mes factures, tous mes fournisseurs, etc. Et là, on va se dire, bah voilà, écoute, ce mois-ci, ou sur les 2 mois qui viennent, ou les 6 mois qui viennent, tu as assez de trésorerie et tu as assez de rentrées pour pouvoir te faire un salaire de temps. Donc, en l'occurrence, imaginons qu'on soit encore à 2000 euros. Bah, on va vérifier qu'on a bien 3600 euros sur ce mois-ci, voire sur le mois d'après, voire encore sur le mois d'après, ce qui va nous permettre de dire, bah, sur les 3 prochains mois, tu vas te payer 2000 euros net, ce qui va correspondre à 3 fois 3600 euros. Le fait de payer vos cotisations patronales et salariales, ça correspond à quoi pour vous ? D'abord, ça serait bien qu'on reprécise ce que sont les cotisations salariales et patronales et qu'on explique que ce n'est pas des charges, mais que c'est bien de l'argent qu'on gagne. C'est une partie du salaire. Simplement, c'est du salaire que je ne touche pas tout de suite, mais que je toucherai un jour, par exemple, si je suis au chômage, par exemple, si je suis malade, et par exemple, si j'arrive à la retraite. C'est une évidence, quoi, de participer à ça. Enfin, autant pour moi que globalement. Je ne me verrais pas, par exemple, gérer une entreprise qui aurait pour seul objectif de défiscaliser au maximum tout ce que je gagne. Et, non, ça n'aurait pas de sens pour moi, quoi. Oui, les coopérateurs, lorsqu'ils intègrent la coopérative, en général, sont très demandeurs d'accompagnement, vont dans plein d'ateliers, sont très souvent dans les locaux, sont dans l'espace coworking, etc. Et donc, bah oui, consomment en quelque sorte beaucoup la structure et versent très peu dans le pot commun. Et ceux qui tournent très bien sont beaucoup moins présents parce qu'ils sont très souvent en clientèle et du coup versent plus dans le pot commun. Mais c'est pas grave, enfin, les choses s'équilibrent et ça nous va bien, nous, comme mode de fonctionnement. Donc là encore, il faut être tranquille avec ça. Ça fait partie de ce mode de partage. Mettons, si je rentre 1000 euros, mon client paye 1000 euros, Coopanam va prendre 11,5% de la marge brute. Donc c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires duquel on va retirer certaines charges de fonctionnement. Et donc Coopanam, à ce moment-là, va se verser 11,5%. Et c'est comme ça que Coopanam va pouvoir nous fournir cette aide précieuse et cette coquille dans laquelle on développe notre activité. Ça fait 4 ans que je suis rentré chez Coopanam. Et là, en ce moment, je suis sur une base d'à peu près 2000 nets. Ce qui est très honorable compte tenu de ce que je vois autour de moi et de l'investissement temps, travail que j'ai. Donc voilà, moi ça va, ça tourne, j'ai un chiffre d'affaires qui me permet de vivre. Ma vie, dans sa globalité, privée et pro, elle est équilibrée, quoi. Il est interdit de salarier un homme. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Il réinvente le salariat. Démission à la moustache du capitaine. Avec Rémi Chollat, Marc Bourgeois, Claire Lestavel, Catherine Moulin, Michel Lulek, Armel Barou, Véronique Bousquet, Jean-Philippe Dame. Prise de son Patrice Klein, mixage Valérie Lavalard, coordination Perrine Carvan, assistée de Marie-Vonne Abolivier. Une série documentaire de Martine Abbat et Rémi Douat, réalisée par Assia Khalid. On n'en veut plus de vos virements de radin, on n'en veut pas de votre putain de smic à la con. On n'en veut plus de vos miettes, on ira cultiver la terre, ou bouffer des racines, ou crever sous la lune. Oh, ce qu'on fera, peu importe, et surtout, on vous emmerde. Votre salaire de pièce jaune, votre putain d'abonnement à la misère, vous pouvez vous le rentrer dans le coccyx. Le brut, le net, tu peux t'en faire un paquet, tu te l'emballes, tu te le roules en cône, tu te le fumes avec ton comptable et tout le conseil de masturbation. Pas comme ça demain, on fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez les galériens, on prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission.